Le Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a ratifié le 16 juin de l'an 105 du juillet 2016 la Convention des Nations Unies contre les crimes organisés transfrontaliers. Le dossier intéressé sera déposé sous peu au secrétaire général de l'ONU, consignataire de la Convention. Le gouvernement de la République populaire démocratique de Corée maintiendra toujours sa position constante contre les crimes organisés de toute forme et, sur la base de cette Convention, portera son apport actif à l'amélioration accrue de la confiance internationale et à l'intensification de la coopération avec les autres pays dans la lutte contre les crimes organisés tels que le blanchissage de fonds et les aides financières au terrorisme.